Pas de fifi, commission, pas de selfie. Le buzz c'est cool, j'fais l'amour grâce au wifi. Regarde ces matchs vus, ils sont pleins de matchs. Nous c'est la rue, j'fais Boussaka, monter Boussa. Ça, ça, happy birthday. J'rappe et j'esquive les condés. Ça fait bander, les voir blindés et glandés. Drogue dure, c'est pas trop l'argent facile. Nouvelle gêne, PGP, écran tactile. Ça fait ratata. Comme la Chine, c'est des fois ma vie est loin d'être magique. En fait, je suis en Excel. Tiens, reste l'assassin. J'en ai, je l'ai menacé comme Vincent Cassel. Veni, Vidi, Vidi, Vidi. Génération maudite, sapé en Gucci. Tâche au percé de ça. Continue, envoie du sel. Tu régales, ça a les hommes. Mais les hommes, on est ensemble. Oh là là, Tani, cette année, on fait ham. J'ai fait ce qu'il est ham. Oh là là, Tani, cette année j'fais hala. Oh là là, Tani, j'fais ce qu'il est ham. Comportement d'affranchi. Y'a rien sans rien pour tout réfléchir. Comportement d'affranchi. Y'a rien sans rien pour tout réfléchir. Charron tout cassé, moi de mon côté j'arrête pas de m'embourgeoiser. 30 000 euros c'est que le prix du bracelet. Reste l'enfoiré c'est bon, ça y est tu connais. Kishta Khalis bénéfice, Gucci Sima bénéfice. Kishta Khalis bénéfice, Gucci Sima bénéfice. Juste avant qu'on m'emmène, j'ai bu tous mes problèmes. J'ai bautisé baiser, j'ai pas trouvé de remède, que personne vienne en aide. Et si tu pleures on va t'enlever ton cœur. La vie de ma mère, on n'est pas des menteurs. Dans mon secteur y'a que des revendeurs. Viens faire un tour ici c'est The Wire. Bébé je t'aime mais ça dure qu'une semaine. J'arrête pas de teaser, j'sais même plus ce que je disais. Ici faut être précis comme André à Pirlo. Polyvalent comme Robert De Niro. Si tu bosses comme Willow on te pousse un demi kilo. On se reverra plus tard dans un bistrot. Grosse boule à Z comme Pascal Obispo. Comportement d'affranchi. Y'a rien sans rien pour tout réfléchir. Comportement d'affranchi. Y'a rien sans rien pour tout réfléchir. Pas de 6.35 dans le 6.3. Il est 6h35. J'ai fait l'approche là de 5, le zin. J'fais droit à la moto. Vas-y, prends en photo. J'sens la paix monter. J'sens la paix me chaleur. Raptin, j'ai plus de verre, maman, qui est chaleur. J'enfume un tir rouge, j'prends le virage à 200 à l'heure. La la la la la la la la la la la la la la la. Comportement d'affranchi, y'a rien sans rien pour tout réfléchir.